La vie est aux jeunes par Paul Bourget. Chapitre 1er. Quand Madame de Montclair avait demandé à Guillaume Duclos de l'accompagner au Vellione qui se donnait cette nuit-là dans un des théâtres de Nice, cet homme de beaucoup d'esprit ne s'était pas fait illusion une minute. Il n'avait pas cru que cette femme avait tout d'un coup changé pour lui. À 49 ans qu'il venait d'avoir, il se rendait trop compte qu'il ne pouvait plus inspirer de ses jolis caprices, comme sa mémoire de viveur lui en représentait un certain nombre. Cette expérience de vieux célibataire et de vieux parisien, cela compte double, lui disait aussi que le plus sûr moyen d'avoir son heure auprès d'une femme est d'obéir à toutes ses volontés, même aux déraisonnables, surtout aux déraisonnables. Il avait donc accepté de se vêtir, sous le coup de 11 heures du soir, d'un domino jaune et lilas, la couleur du carnaval de l'année. Il s'était muni d'une cagoule et d'un masque à son âge. Était-ce payé trop cher d'un peu de ridicule le plaisir d'avoir ce petit secret avec cette fine et jolie comtesse dont il s'était épris sans trop s'en douter au point d'en devenir vraiment amoureux? Il l'avait connue jeune fille quand elle s'appelait Louise de Grandet 20 ans auparavant. Car elle aussi avait passé fleur. Elle n'était pas plus loin du pénible chiffre 4 que lui du plus pénible chiffre 5. Par un de ces hasards fréquents dans la vie d'aujourd'hui, où les relations mondaines se relâchent et se resserrent très arbitrairement, à peine l'avait-il revue, de loin en loin, durant ces 20 dernières années, et lors de leur première rencontre, elle lui avait assez plu pour qu'il eût pu penser un moment à l'épouser. Un autre hasard, celui d'une commune villégiature, l'automne dernier, dans les environs de Paris, les avait rapprochés. Duclos avait recommencé de s'intéresser à Madame de Montclair, d'abord par souvenir de Mademoiselle de Candé, puis à cause d'elle-même. À 20 ans, Louise avait été une apparition de fraîcheur blonde et rose. Ses 39 ans, très peu touchée par la vie, touchée cependant, gardait un charme à la fois délicieux et poignant, celui de la grâce encore souveraine, mais déjà meurtrie et qui va passer. Ses grands yeux bleus avaient toujours leur regard d'une douceur étonnée, que Guillaume n'avait jamais oublié. Seulement, les paupières s'attendrissaient de toutes petites, d'invisibles rayures qui demain seraient des rides. L'or des cheveux restait aussi clair, mais la coiffure, plus compliquée, dénonçait l'appauvrissement des nattes, si épaisses jadis, et que la jeune fille ramassait en une simple et lourde torsade. Le teint n'avait rien perdu de sa transparence, mais des méplats s'indiquaient autour des tempes et sur la ligne des joues. La taille, toujours mince, n'était plus si souple. Enfin, l'âge était là, ou mieux, il allait être là. Le suprême épanouissement de la femme en prenait un attrait plus voluptueux, plus intense. Du moins, ça avait été l'impression éprouvée par l'ancien admirateur. Il s'était repris à s'occuper de celle à qui une minute il avait rêvé de donner son nom. Il avait été très empressé durant ses 8 jours de vie de château, ensuite à Paris. Cette partie de bal masqué prouvait que cette amitié de date récente était devenue vite une intimité. Les étapes de cette intimité, Guillaume Duclos les parcourait à nouveau dans sa pensée, tandis qu'il roulait en fiacre vers le rendez-vous que Louise de Montclair lui avait fixé cette nuit-là, tout comme s'ils eussent été, lui un amant, elle une maîtresse, et encore une fois, insistons sur ce point, qui donne sa signification vraie à cette aventure, il n'était pour elle qu'un ami. Il se revoyait à ses premières visites, chez elle, rue Dumont-d'Urville. Elle habitait un de ces hôtels d'aspect anglais, comme il s'en était construit beaucoup dans ce quartier après la guerre. Avec quel intérêt, croyant n'obéir qu'à une curiosité, Guillaume avait tout étudié des choses qui environnaient cette femme pour y découvrir des indices sur les réalités profondes de son existence. Et d'abord, faisait-elle bon ménage avec son mari ? Il suffisait de voir Montclair 10 minutes pour répondre à cette question. Ce ménage n'était ni bon ni mauvais. Il n'était pas. Point d'enfant. Le mari, officier démissionnaire, menait la vie de club et de sport, habituel aux oisifs de sa classe et de sa fortune. On se demandait pourquoi il avait épousé sa femme, de même qu'on se demandait pourquoi elle avait épousé ce garçon, qui lui semblait aussi étranger qu'elle lui semblait étrangère. Duclos avait vite reconstruit l'histoire banale de cette union, un accord entre deux familles accepté par l'ignorance de la jeune femme et par l'insouciance du jeune homme, une première période de camaraderie étourdie et gaie, interrompue par une grossesse qui avait été pour tous deux une déception. Louise avait été délivrée avant terme. L'enfant était mort en naissant. Depuis, aucune nouvelle espérance de maternité n'avait remis du sérieux dans cet intérieur en proie aux affolantes dissipations du monde. Une seconde période avait suivi, celle du heurt des deux caractères. Une troisième, celle des trahisons du mari. Raymond de Montclair avait reparu dans les coulisses des petits théâtres et les boudoirs des petites dames. Sa femme avait-elle su ses infidélités? Y avait-il eu, de lui à elle, des explications comme il en éclate dans des circonstances semblables où le divorce est tout proche? Des parents s'étaient-ils interposés comme c'est l'usage encore? Une sorte de traité de paix était-il survenu? Toujours est-il que les deux époux pratiquaient maintenant, à côté l'un de l'autre, cette séparation absolue sous le même toit, dont on a tort de faire une caractéristique exclusive de l'ancien régime. Elle veut, pour être réalisée, une grande fortune, beau goût d'indifférence réciproque, le goût du décorum et une totale absence de sens moral. Cela se rencontre, même au XXe siècle. Louise de Montclair avait-elle profité de ce pacte d'indépendance et cherché l'amour hors de ce foyer qui n'en était un qu'en effigie? Pour dire la chose d'une façon brutale, avait-elle un amant? Cette autre question, Guillaume se l'était posée depuis cet automne à 10 reprises, à 100, à 1000, vainement. Il avait, avec la prudence d'un Parisien averti, et sans en avoir l'air, interrogé celui-ci, celui-là. Ce n'est pas un nom qui lui avait été prononcé à propos de Madame de Montclair, c'était plusieurs. Il connaissait trop la légèreté des racontages de cet ordre pour y voir autre chose qu'une indication. Les vétérans de la vie galante ne croient jamais tout à fait, ni au bien ni au mal, que l'on colporte sur une femme à la mode. Ils savent qu'il y a de la calomnie dans toutes les médisances, mais aussi de la médisance dans toutes les calomnies. Duclos avait donc étudié les manières de la jolie Madame de Montclair, son salon, ses relations, avec toute l'acuité dont il était capable, sans pour cela cesser de s'abandonner au goût de plus en plus vif qu'il prenait pour elle. Il n'avait réussi qu'à rester dans le doute. Les manières de la mystérieuse et fine comtesse étaient très libres. Guillaume en avait eu une preuve immédiate, dans la facilité même avec laquelle elle l'avait reçu tout de suite sur un pied familier. Se laissant écrire et lui écrivant, et dès la première lettre, elle l'appelait « mon cher ami » et signait de son petit nom, l'invitant et acceptant de lui des politesses, dîner au cabaret en compagnie de connaissances communes, parties de théâtre, supportant qu'il va la voir quasi quotidiennement, trouvant très simple, quand elle en avait l'occasion, de l'emmener dans sa voiture. Que signifient de telles privautés quand elles ne sont pas personnelles? Madame de Montclair était ainsi pour tous les hommes de sa société. Ses façons presque garçonnières sont les plus impossibles à interpréter. Duclos le savait, et qu'elles abritent tout derrière elles, depuis l'innocence la plus entière jusqu'à la corruption la plus dépravée. De très honnêtes femmes les ont précisément, parce qu'étant très sûres de ne jamais commettre le mal, elles se croient autorisées à se départir de cette défense continuelle que les mœurs conventionnelles imposent au sexe faible. De très malhonnêtes femmes les ont aussi, parce que les familiarités banales font un commode paravent aux autres. Ces reconduites en voiture, par exemple, qu'elles se permettent avec 10 hommes de leur cercle, sont irréprochables 9 fois. Ces 9 fois sauvent la 10e. Les 9 amis servent à faire passer l'amant. Allez vous reconnaître dans le tas. Allez déchiffrer l'énigme d'un salon comme celui de Madame de Montclair encore, où il y a 10 portraits d'hommes avec signature, posés dans des cadres sur les tables, avec une prodigalité de menus souvenirs donnés au jour de l'an ou aux anniversaires par les habitués de la maison, et ils sont légions. Avec cela, Louise savait, tout en étant tout à tous, au plus haut degré, pratiquer cet art qu'un humoriste a méchamment appelé l'art du tiroir. Elle excellait à distribuer ses rendez-vous, par exemple, de manière que le visiteur de 3 heures quitta la maison 5 minutes avant le visiteur de 3h15, qu'il partait lui-même 5 minutes avant le visiteur de 4h30. C'est toujours le manège à 2 fins, que pratiquent également les femmes très délicates qui, ayant le goût de l'amitié, s'appliquent à doser leur sympathie pour ne pas être entraînées trop avant, et les femmes très galantes qui procèdent encore ici par le tas. Sur 10 tête-à-tête qu'elles se procurent ainsi, 1 est coupable, devinez. Aucune de ces nuances n'avait échappé à Duclos, et toutes les hypothèses qu'il avait faites tour à tour sur les arrière-fonds de cette existence lui traversaient de nouveau l'esprit dans cette course à travers Nice. La comtesse lui avait donné rendez-vous, comme s'il s'agissait de la plus criminelle des intrigues, à l'angle de la rue et du square Grimaldi. J'ai négligé de dire qu'elle était venue de Paris passer les 2 mois de fin d'hiver à Monte-Carlo, en sorte que cette escapade à Nice comportait un manège assez savant. Elle avait dû prendre un appartement pour la nuit dans un hôtel, s'y transporter avec sa femme de chambre, s'y costumer. Ce déguisement supposait la complicité de cette femme de chambre, petit détail que Duclos n'avait pas manqué de remarquer. Il avait remarqué aussi cette anomalie, l'insistance que Madame de Montclair avait mise, alors qu'il n'avait, elle et lui, que des relations si avouables, à vouloir qu'il ne descendît pas dans le même hôtel qu'elle, et que leur rendez-vous eût ce caractère clandestin. Pourquoi ? Oui, pourquoi toutes ces précautions ? Se demandait l'ami traité ainsi en amont, à mesure que son fiacre se rapprochait de la petite place. Ce n'est pas pour Montclair, il est à Paris, et d'ailleurs. Ce n'est pas pour le monde, qui la connaît ici ? Pour sa femme de chambre, alors. C'est à peu près ce qu'elle peut faire de plus compromettant aux yeux de cette fille, à moins qu'elle ne l'ait déjà comme confidente d'une autre histoire. Alors elle ne voudrait pas risquer que cette fantaisie ne soit dénoncée à qui de droit. Mais à qui ? Guillaume avait repassé mentalement la liste des personnages qu'il avait, à un degré quelconque, soupçonné d'être trop intime avec sa récente amie. En tout état de cause, aucun de ces personnages n'était, à sa connaissance, sur la Riviera. Aucun n'avait dérangé sa vie pour être où était Madame de Montclair pendant cette fin d'hiver, comme il avait fait lui-même. N'était-il pas possible, après tout, que Louise eût été touchée de cette preuve de ses sentiments ? Leur amitié était tout de même de sa part, à lui, une espèce de cour, celle d'un homme qui n'a d'autre prétention avouée que d'être toléré dans ce rôle d'admirateur ému et désintéressé. Les femmes sont si étranges. Qui sait si elles ne s'y étaient pas laissées prendre à cette cour, un peu, très peu ? Qui sait si l'idée d'une fantaisie sans lendemain n'avait pas traversé sa pensée ? Qui sait ? Enfin, lorsque son fiacre s'arrêta place Grimaldi au point convenu et que Duclos aperçut une autre voiture arrêtée qui, visiblement, attendait, son cœur battait à coups précipités, malgré tout son esprit et toute son expérience, aussi précipité que si de son domino de carnaval n'eût pas émergé le visage passablement défraîchi d'un quinquagénaire à demi-chauve et dont la moustache devait sa persistante noirceur un habile artifice. Et jamais aucune voix, même à l'époque de ses premiers rendez-vous d'amour, il y avait presque un tiers de siècle, ne lui avait paru aussi douce, aussi pleine de promesses que celle de Madame de Montclair, lui disant « Ah, c'est vous, enfin. Imaginez-vous que je me suis mise à me figurer que vous ne viendriez pas, et à prendre peur de mon cocher. » Elle riait avec une nervosité qui acheva d'émouvoir Guillaume, à un tel point que sa voix, lui, se fit toute basse pour répondre « Je suis bien sûr cependant de n'être pas en retard. C'est moi qui aurais pu m'imaginer que vous ne viendriez pas. Vous manquez de parole, moi. Vous n'y avez pas cru. »